Éternelle énigme par Jean Reybrard. À peine Louis de Morel lui dit ces mots « Je vous aime », ce fut entre Madame de Trial et lui une stupeur, comme après le retentissement d'un coup de tonnerre. Et tout de suite, au voile de douloureuse surprise qui s'épandit sur le visage de la jeune femme, il eut conscience de sa folie. Lorsqu'il était descendu au château, 8 jours auparavant, Louis de Morel avait retrouvé pour Madame de Trial la sympathie qui, déjà l'hiver précédent, l'avait attirée vers elle. Loin des futilités parisiennes, dans un milieu moins agité qui permettait de longues causeries, une intimité plus étroite avait rapproché leurs esprits. Et une amitié avait commencé, pleine d'un charme exquis, sans désir et sans trouble, sans calcul et sans crainte, sous laquelle, à peine, aurait pu se laisser entrevoir, à une galanterie plus grave, à une coquetterie plus naïve, quelque chose d'un sentiment plus doux. Mais ce matin-là, dans cette promenade à cheval, par la troublante solitude de la forêt, dans la complicité des sous-bois recueillis, des souffles tièdes et de l'odeur des mousses, la jeune femme s'était révélée d'une beauté si resplendissante. Sous le pâle reflet des feuilles à travers lesquelles, çà et là, quelques rayons furtifs flambaient l'or de sa nuque, que les obscures tendresses lentement écloses au cœur de Louis de Morel avaient jailli en une floraison d'amour, éclatée brusquement en un cri de passion. Sans un mot, d'un geste irrité, Madame de Trial, le laissant en arrière, avait enlevé son cheval au galop par un sentier. Il la suivit, courbant la tête. Les foulées des chevaux s'étouffaient sur l'herbe. On n'entendait que leur souffle large et régulier, que coupait çà et là le cliquetis d'une gourmette ou le léger cri d'une selle. Et ce silence devenait terrible. Louis de Morel eût voulu pouvoir se jeter à ses pieds, implorer son pardon avec des prières craintives, et l'allure de cette course qui l'eût obligé d'élever la voix, de livrer à tous les vents les paroles qui montaient de son cœur, le désespérait. Irait-elle ainsi, sans l'écouter, jusqu'au château? Ce serait fini alors. Il n'oserait plus se présenter devant ses regards. Au débouché de la forêt, pourtant, sur la route poudreuse, Madame de Trial ralentit, mit son cheval au pas. « Je vous demande pardon, » murmura Louis de Morel en se rapprochant. « J'étais fou tout à l'heure. » En arrière d'une petite tête, il se penchait dans une attitude de suppliant. Elle ne répondit pas tout de suite, le profil presque dur, les yeux à l'unisson, laissant s'apaiser le tumulte de ses pensées. « Si vous saviez, » dit-elle enfin, « combien cela est odieux d'entendre toujours la même chose, de ne pouvoir risquer un mot, un rire, de ne pouvoir se laisser aller aux joies les plus simples ou aux coquetteries les plus innocentes, sans voir naître autour de soi des pensées troubles et sentir perpétuellement suspendu sur sa tête ce perpétuel « je vous aime ». Un dégoût, une haine presque, s'élargissait dans le pli de sa lèvre. « Je vous aime !» s'écria-t-elle en levant un regard désespéré. « Mon Dieu, aimez-nous donc assez pour ne pas nous le dire !»« Pardon ?» répéta Louis de Morel doucement. « Cela ne m'arrivera plus, je vous le jure. » Ils se turent, pensifs. Une paix commençait de s'épandre. La forêt ne pesait plus sur eux, ne les environnait plus de son mystère confus. Leur être se dilatait de nouveau dans la matinée ensoleillée, par la campagne large et nue où des vapeurs lointaines, attardées au creux du sol, flottaient sur les chaumes. Tout semblait oublié dans la reprise de leur vie. L'oubli néanmoins n'était qu'apparent. Madame de Trial, malgré qu'elle en eût, se défendait mal d'une obscure défiance. Louis de Morel s'était imposé un rôle. Elle redoutait qu'il n'en sortît, et cette appréhension, en gênant la libre expansion de ses pensées et de ses rires, ramenait entre eux l'obsession du souvenir. Des jours s'écoulèrent. Une surprise commença à devenir à la jeune femme. Louis de Morel lui parut héroïque. Elle se rassurait peu à peu. Elle quitta sa réserve, reprit ses abandons anciens, retrouva ses gaietés capricieuses. Même, par un reste d'inquiétude, afin de bien se convaincre que tout danger était définitivement écarté, par un petit sentiment de bravade aussi, peut-être, elle rechercha pour lui les occasions de rechute. Elle provoqua leur isolement. Elle tenta, à son bras, des appuis lassés, risqua des coquetteries. Ni dans les promenades à cheval le matin, ni dans la douceur troublante des soirs sur la terrasse, Louis de Morel ne s'oubliait. Jamais son regard ne s'attardait plus longtemps qu'il n'eût convenu sur l'élégance d'une toilette ou sur la grâce d'une attitude. Madame de Trial se réjouit sincèrement. Tout souci se reculait d'elle. Leur affection se renouait aussi calme, aussi pure après cet orage maintenant éloigné. Bientôt pourtant, cette joie lui laissa un vide. Elle lui parut quelque peu décevante, plutôt voulue que réellement ressentie. Elle devait s'avouer que, pour non romanesque et fermée qu'elle fût à la passion, elle avait prévu de la part de Louis de Morel des défaillances. Cet excès de vertu la déroutait. Son esprit, à de certaines heures, s'était complu à imaginer les paroles graves et douces par lesquelles elle aiderait à sa guérison, pensant elle-même ainsi délicatement la blessure faite par sa beauté. Était ce rôle de sœur de charité qui lui manquait? Une pensée alors la tourmenta plus précise de jour en jour. Cette passion si brusquement allumée, si vite éteinte, n'était-elle donc qu'un caprice? Elle hésita. Tour à tour, il lui arrivait de redouter davantage, ainsi qu'un ennemi qui se cache, cet amour silencieux. Et tour à tour, la conviction d'une guérison complète, assurée, faisait monter à ses paupières des larmes de dépit, comme d'une humiliation. L'injure dont elle s'était crue atteinte naguère, par l'aveu, lui semblait commencer seulement à présent avec la facilité de la retraite et l'aisance même de l'attitude. Les mots qu'elle avait redoutés d'abord, après les avoir attendus ensuite afin de les combattre, insensiblement, elle se laissait aller à les désirer, pour se prouver à soi-même que l'amour qu'elle avait inspiré était véritablement sincère et profond. De ne plus les entendre, elle s'irritait presque. Ils étaient dans sa pensée, continuellement. Ils flottaient autour d'elle dans le vent, dans le frisson des feuilles, dans les joyeux éveils des matins et la paix des crépuscules. Le besoin de les entendre devenait impérieux, irrésistible. Découragée de leurrer son esprit par des raisons auxquelles elle avait cessé de croire, elle finissait par les désirer, les espérer pour eux-mêmes uniquement. Des troubles confus, une instabilité d'équilibre la jetèrent à des activités sans but, à des irritabilités sans cause, à des dépits inexplicables. Et de voir Louis garder une réserve d'autant plus grande qu'elle le troublait plus profondément, comme s'il eût redouté de perdre par une imprudence nouvelle, cette fois irrémédiable, les joies de leur intimité, ou comme s'il eût soupçonné quelque épreuve à quoi elle voulut soumettre sa loyauté, elle éprouvait sur le piédestal même où elle se sentait élevée, presque un regret de sa grandeur, une tristesse d'exil, une détresse d'abandon. Elle s'effraya. N'était-ce pas elle, maintenant, qui aimait? Un poison lui parut s'être glissé en elle, lentement. Elle détournait sa pensée de son propre cœur, avec angoisse, avec terreur bientôt, n'osant se demander, si Louis de Morel avait osé parler, ce qu'elle eût répondu. Mais un orgueil comprimait au fond d'elle-même ses rumeurs troubles. Elle dominait leur soulèvement, refoulait les suggestions de la campagne environnante, posait sur le tumulte de ses sentiments le masque impassible ou hautain de son visage, tandis qu'à des heures inquiètes, elle se dérobait, fuyait éperdument, comme devant un danger, tour à tour rassérénée et désespérée de ce danger toujours reculé, qui ne l'atteignait pas, ne l'atteindrait sans doute jamais. Louis de Morel quittait le château le lendemain. Madame de Trial dirigea vers la forêt leur dernière promenade. C'était l'automne. Elle s'emplissait de mélancolie déjà, sous le pâle soleil glissant à travers les branches et se jouant sur le sol parmi le décor plus frêle de leurs ombres. Vous rappelez-vous? Demanda Madame de Trial avec une douceur étrange. Louis se rappelait. Il avait reconnu l'endroit, s'y rempli naguère de vie frissonnante, comme mort maintenant. Il voyait le sentier montant vers un coin de ciel bleu où le galop de la jeune femme les avait emportés. Il courba le front, confus. « Vous êtes cruel, » dit-il. Mais secouant la tête d'un geste lent, la voix rêveuse et le regard perdu. « Oh » fit-elle, « je ne vous en veux pas. » À l'accent de ces paroles, Louis tressaillit. Une tristesse presque y résonnait, semblable à l'écho d'un regret lointain. Son cœur fut étreint d'un brusque émoi. Son esprit ébloui d'une lumière subite dont s'éclairait toute l'attitude de la jeune femme. Et c'était en lui, par-dessus un désespoir, une fureur, d'avoir laissé passer à côté de sa main un bonheur qui l'eût pu saisir, la flamme aiguë d'une espérance que ce bonheur pourtant fût encore accessible. Mais elle, désormais, s'était reconquise. Le souffle trouble qui, un moment, l'avait enveloppée avait passé, s'était envolé à l'horizon. Alors, comme il la regardait, indécis encore, les yeux illuminés d'un afflux de pensées folles, elle sourit, d'un sourire qui glissa sur lui comme une onde froide. Amer, un peu, ce sourire semblait avoué. Il était ainsi que le consentement du passé, mais une expression presque indéfinissable de raillerie, en même temps, scellait ce passé définitivement. Louis comprit. Il baissa la tête, un petit flot de sang aux pommettes, sous la violence de sa rancune. Ils rentrèrent, silencieux, au pas de leurs chevaux, par la campagne triste, lui, abîmé devant l'énigme de la femme, elle, peut-être, devant sa propre énigme. Ainsi s'achève, éternelle énigme, de Jean Reibrach.